الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on avait terminé d'expliquer que l'utilisation de l'au ou de versi, c'était limité par certaines conditions et qu'on ne pouvait pas l'utiliser dans certains cas et que dans certains cas aussi c'est permis. Comme si on parle de quelque chose dans l'avenir, on a l'espoir de quelque chose dans l'avenir, on l'utilise dans le bien, dans ce cas-là oui, mais si c'est pour quelque chose du passé, pour inspirer le regret, ou pour insulter ou rejeter la prédestination, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de l'utiliser. Maintenant, on arrive à un passage, ou un chapitre, ou un point, où le cheikh explique l'importance et la position de la patience dans la croyance islamique. As-sabr wa manzilatuhu fil aqida. As-sabr, la patience ou l'endurance. Donc le cheikh dit: تقدم الكلام في النهي عن قول لو عندما يقع الإنسان في مصيبة وأن الواجب عليه الصبر والاحتساب. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه. Donc le cheikh dit, comme on a déjà parlé précédemment de l'interdiction de dire لو lorsque l'homme a une épreuve ou un malheur qui l'atteint, alors on a expliqué que c'était obligatoire pour l'homme dans ce cas-là d'être endurant et de faire preuve de patience. Alors après il cite l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le mot sabr yani, dans le Coran plus que 90 fois dans son livre, dans le Coran. Après, le cheikh dit, « وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الصَّبْرُ ضِيَاءُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَدْنَا خَيْرُ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ رَوَاهُ الْبُخَارِي وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ أَلَا إِنَّهُ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ وقد روى البخاري ومسلم مرفوعا ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. Donc le cheikh il mentionne une série de citations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de quelques-uns parmi les sahaba. Donc parmi les choses qu'il a mentionnées, un hadith authentique rapporté par Imam Ahmad et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « As-sabru diya » la patience est une lumière. Okay? Et une citation de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu dans lequel il a dit « Nous avons trouvé le meilleur dans notre vie par la patience. » Par la patience. Et c'est rapporté par Al-Bukhari. Aussi Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu il a dit la patience est par rapport à la foi comme la tête pour le corps. Hein? Et après, il a rapporté selon Al-Bukhari et Muslim, hein, qui, et ça remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a été dit, personne, on a donné à personne. On n'a pas donné à personne quelque chose de mieux et de plus large que la patience, c'est-à-dire de plus grand que la patience. Après, il explique, il dit, الصبر مشتق من صبر إذا حبس ومنع فهو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والتسخط وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. Le chef, qu'est-ce qu'il veut dire? Il explique la définition linguistique du mot sabr. Et il dit que le sabr, il est dérivé de sabara, c'est-à-dire d'être endurant, mais que ça veut dire aussi habasa wa mana, c'est-à-dire de retenir ou d'empêcher quelque chose. Et il donne un exemple comme par exemple habsul nafs, un nafs anil jaz, c'est-à-dire de retenir son âme contre la paresse ou de sentir de se plaindre, c'est quelque chose, al-jaza, c'est ça. Et habsul lisan al-tashakki, c'est ça l'exemple de garder sa langue contre du fait de se plaindre, al-shakwa, al-tashtaki, tu te plains aux créatures, ou de se mettre en colère. Wa habsul jawarih al-latmi al-khudud, de retenir son corps contre, par exemple, le fait de se frapper les joues ou de déchirer ses vêtements, parce que, bon, les gens aujourd'hui, c'est rare qu'ils font ça maintenant, bon, ici à Montréal, je connais pas personne quand il a un malheur qui se frappe les joues ou qui déchire ses vêtements, tout ça, là. Mais dans le temps du prophète, et puis peut-être dans certains pays, là, quand ils ont un malheur, là, peut-être ils vont se griffer les joues, donc ils vont se déchirer leurs vêtements et tout. Ouais, c'est ça. Donc dans certains endroits ça existe. Mais il y a d'autres manières aussi des gens, comment ils expriment leur désespoir ou leur colère ou quand quelque chose, un malheur leur arrive là, comment ils réagissent vis-à-vis de ce malheur-là, ça s'exprime de différentes manières. Il casse-tout, hein, là, c'est ça. Donc, et puis bon, peut-être le cheikh il va mentionner plusieurs exemples, plusieurs hadiths à ce sujet, mais juste pour en mentionner un que le cheikh, je pense qu'il n'a pas mentionné, c'est le hadith au sujet de la femme qui avait perdu son fils. Et puis, son fils était mort et elle était à sa tombe en train de pleurer. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec certains de ses compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette femme d'être patiente. Et la femme a dit, ça paraît que c'est pas toi qui as perdu un enfant. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné chez lui. Et les sahaba ont dit à cette femme, est-ce que tu savais pas que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui t'a parlé? Et quand elle a su ça, elle est partie tout de suite chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour lui dire, ya Rasulallah, je m'excuse, je savais pas que c'était toi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, innama sabr inda sadamatil oula. C'est-à-dire, la patience ou la preuve de patience, elle doit être au premier coup. C'est-à-dire, au moment de la première, au premier pas, au premier choc, là. Il ne faut pas que ce soit, tu réagis d'une façon incorrecte, et puis après tu reviens à ta place et tu dis, ah, il faut être patient. Non, c'est lorsque ça arrive, là tu dois faire preuve de patience. C'est là l'important. Donc ça c'était juste pour donner un exemple. Et puis le chef ensuite, il mentionne les différentes catégories de patience ou d'endurance. Alors il dit, وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ الصبر على فعل ما أمر الله به وصبر على ترك ما نهى الله عنه وصبر على ما قدره الله من المصائب. Donc ce sont trois catégories d'endurance ou bien dans trois sujets de, qui ont rapport avec l'endurance. Le premier, c'est d'être patient dans l'accomplissement de ce que Dieu t'a ordonné de faire. C'est-à-dire tu es patient dans l'obéissance de l'ordre d'Allah. Okay? Donc tu es patient dans l'application de la prière, l'application de da'wah, dans l'application de ce que Allah t'a ordonné. Le deuxième, c'est d'être endurant dans l'abandonnement de ce que Dieu t'a interdit. C'est-à-dire, pour faire, Allah t'a ordonné de faire beaucoup de choses pour l'adorer. La prière, le jeûne, le zakat, le psaume, beaucoup de choses. Toutes ces choses-là demandent beaucoup d'endurance. Si tu n'as pas d'endurance, tu ne seras jamais capable de continuer à les faire tout ça. Tu vas te fatiguer puis tu vas l'abandonner. Donc, pour arriver à les accomplir, tu as besoin d'endurance. Tu as besoin de sabr. Et dans le cas aussi des péchés, tu as besoin d'endurance pour être capable de les abandonner. Parce que il se peut que tu sois capable de t'éloigner d'un péché pour un certain temps, mais si tu ne fais pas preuve de patience, un jour ou l'autre, tu vas retomber, mais tu vas tomber dedans. Hein? Parce que, les péchés, c'est pas que tu, il te vient une tentation une fois et que ça s'en va pour toujours. La tentation va toujours revenir à chaque fois. Et c'est pour ça qu'il faut faire une preuve d'endurance constante dans le fait d'abandonner les péchés. Et la troisième catégorie de patience, c'est la patience vis-à-vis des malheurs et des épreuves qui t'atteignent dans ta vie. Ça, c'est la troisième catégorie de patience. Bien entendu, ils ont tous un degré différent. Le plus haut, c'est la patience ou l'endurance dans faire ce que Allah t'a ordonné. C'est le plus important, plus valorisé, le plus aimé dans l'homme. Ensuite, de s'éloigner des péchés. Et le troisième, c'est d'être endurant pour ce que Allah t'a mis comme épreuve dans ta vie. Le cheikh, il explique ensuite en citant des versets du Coran, alayhi salam, Allah et il dit, قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. Donc c'est une aïe dans la sourate At-Taghabun. Allah SWT dit, il n'y a aucune épreuve qui t'atteint excepté que ce soit par la permission d'Allah, et celui qui croit en Allah SWT, Allah guide son cœur. Ok. Donc ça, c'est après le cheikh il explique en citant les explications de certains parmi les ulama, les tabi'in, et il cite par exemple Al-Qama qui dit قال Al-Qama هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. Al-Qama a dit ce verset, c'est par rapport à l'homme qui est atteint d'une épreuve et qui sait que cette épreuve lui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il est satisfait et il se soumet à cette épreuve. Il se soumet à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, c'est une explication d'un des tabi'in. Et après il en mentionne une autre, il dit وَقَالَ غَيْرُ فِي مَعْنَ الْآيَةِ من أصابته مصيبة مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فاتته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, plusieurs parmi d'autres, parmi les ulama, ont expliqué ce verset en disant que c'est une personne que lorsque une épreuve l'atteint, ou un malheur l'atteint, il sait il sait qu'elle vient par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il est patient et il endure et il se soumet à la, au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, à cause de sa patience, à cause de sa soumission, Allah le récompense en mettant dans son cœur de la guidance. Et il lui échange ce qu'il a manqué de la dunya, ou ce qu'il a perdu de la dunya à cause de cette épreuve, il le remplace par quelque chose d'autre, c'est-à-dire la guidance dans son cœur et une conviction, et une sincère, une conviction sincère, et il se peut même que Allah subhanahu wa ta'ala lui remplace qu'est-ce qu'il lui a pris. Et il lui redonne quelque chose d'autre, meilleur que ce qu'il a perdu. Hein, à cause de sa patience. Et ça, il y a une histoire rapportée, au sujet de cet exemple en particulier, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pourrais pas vous dire le nom du sahabi exactement, mais je me souviens de l'histoire. C'est un des sahabis, il avait eu un enfant, et pendant qu'il était sorti, sa femme était avec l'enfant, et il a trouvé l'enfant mort. Alors, elle savait que le mari allait être très attristé par la mort de son fils. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Je pense qu'elle s'est arrangée pour pas que le mari apprenne tout de suite la nouvelle de sa mort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis ses plus beaux vêtements, elle a préparé un bon repas, ok. Alors son mari est rentré, il a mangé, après il a vu sa femme, elle était belle, alors il a eu des rapports sexuels avec elle, et là, après quand c'était terminé, la femme, elle a annoncé à son mari que son enfant était mort. Alors le sahabi, il était en colère, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit au prophète, Ya Rasulallah, cette femme, elle m'a trompé, elle m'a triqué, elle m'a fait manger, elle m'a fait ci, ça, et puis après, elle m'a dit que mon fils était mort. Alors là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, j'espère que Allah va bénir votre nuit. C'est ce que vous avez passé. Et là, comme le Seigneur, subhanallah, il a eu un autre enfant, après cette histoire-là. Donc, dans ce hadith, on voit l'intelligence de cette femme, comment elle a agi comme une croyante, et comment aussi elle a su agir pour faire comprendre à son mari aussi que cette chose-là, c'était une chose qui avait été prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, elle a essayé d'agir d'une façon pour que l'homme allait l'accepter et il allait comprendre que c'était une prédestination et tout. Et Allah lui a donné en échange de ça, à cause de sa patience et tout, un autre enfant. Donc, alhamdoulilah, Après, c'est ça. Donc, après, il mentionne un autre parmi les tabi'in, ou bien même c'est un sahabi, je crois. قال سعيد بن جبير ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يعني يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. L'explication de ce verset est celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur, c'est-à-dire lorsque le malheur l'atteint, il revient à lui-même et il dit: nous appartenons tous à Allah et c'est à lui que nous retournons. Il dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et après le cheikh dit, وفي الآية الكريمة دليل على أن الأعمال من الإيمان وعلى أن الصبر سبب من هداية القلوب وأن المؤمن يحتاج إلى الصبر في كل المواقف يحتاج إليه مع نفسه أمام أوامر الله ونواهيه بإنزال نفسه بالتزامها. Donc le cheikh dit, et dans ce verset, il y a une preuve que les actions font partie de la foi. Parce qu'il y a certains parmi des sectes égarés comme Al-Murji'a qui disent que les actions ne font pas partie de la foi. Donc tu peux avoir la foi sans faire aucun acte de foi. Et ça c'est contradictoire avec les versets du Coran et avec les hadiths. Parce qu'on voit clairement dans ces versets que lorsque tu fais un acte, Allah augmente ta foi. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبًا. Lorsque le prince atteint, tu fais preuve de patience. Et quand tu es patient, Allah te récompense en te donnant plus de foi, plus de guidance. Et il te guide. Donc ça c'est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il va guider ton cœur. Et après le cheikh il dit que le croyant a besoin de la patience dans toutes les situations, dans tous les cas, et il en a besoin avec lui-même, vis-à-vis des ordres d'Allah et de ses interdictions, pour se forcer lui-même à les accomplir ou à s'éloigner de ce que Allah lui a interdit. Et il donne un exemple, par exemple aussi, وَيَحْتَجُ إِلَى الصَّبْرِ فِي مَوَاقِفِ الدَّعْوَ إِلَى اللَّهِ تَعَلَى وَعَلَى مَا يَنَالُهُ فِي سَبِيلِهَا مِنْ مَشَقَّةٍ وَأَذَى. قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إلى قوله واصبر وما صبرك إلا بالله. Qu'est-ce que le cheikh explique ici? Il dit que même le croyant il a besoin de la patience dans le cas où il appelle les autres à Allah subhanahu wa ta'ala. Il appelle les gens à obéir à Allah et à s'éloigner de ce qu'Allah a interdit. Donc, lorsqu'il va faire ça, il va avoir beaucoup de difficultés et les gens vont l'ennuyer dans ce chemin parce que les gens, en général, ils n'aiment pas se faire rappeler le bien. Alors, quand toi tu vas les appeler au bien, ça va les embêter. Alors, ils vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues, de te causer des troubles. Alors toi, tu dois faire preuve de patience et d'endurance dans ce chemin-là. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et avec une bonne exhortation et argumente avec eux de la meilleure façon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur, il connaît mieux qui est égaré de son chemin et il connaît mieux qui est celui qui est guidé. Et par la suite, il dit plus loin, وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Sois patient et endurant, et fais que ta patience soit uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le cheikh il dit, وَيَحْتَاجُ إِلَى الصَّبْرِ فِي مَوْقِفِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى مَا يُلَاقِيهِ مِنْ أَذَى النَّاسِ. قال تعالى عن لقمان, يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Donc il dit, et l'homme a besoin aussi d'endurance dans le cas où il ordonne aux gens de faire le bien et qu'il leur interdit aussi de faire le mal. Et ça aussi, ça ressemble au da'wa aussi d'appeler les gens à l'islam, parce que les gens vont essayer de lui faire du tort quand ils l'appellent à faire le bien et à interdire le mal. Alors il cite l'exemple du verset dans la sourate Luqman, quand Luqman a dit à son fils, « Ô mon fils, établis la prière, ordonne le bien, interdis le mal et sois endurant pour ce qui va t'arriver par la suite. » Et ça, ça fait partie de cela, « Yani Asmul Umur », je peux pas dire, je pense la fermeté dans les affaires. Après, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, « والمؤمن بحاجة إلى الصبر أمام مواجهته المصائب التي تجري عليه بأن يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ويحبس نفسه عن الجزع والتسخط الذي قد يظهر على اللسان والجوارح وهذا من صميم العقيدة لأن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة وثمرته الصبر على المصائب فمن لم يصبر على المصائب فهذا دليل على فقدان هذا الركن أو ضعفه لديه ومن ثم سيقف أمام المصائب أمام المصائب موقف الجزع والتسخط وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كفر يخل بالعقيدة الإسلامية. Donc le cheikh il dit, le croyant a besoin d'être devant les épreuves qui l'atteignent de la vie, et il doit savoir que ces choses-là viennent d'Allah, et il doit s'y soumettre et retenir son âme, yani de se plaindre ou de se mettre en colère, et il doit, yani, et parfois, parce que ces choses-là, ça s'exprime souvent par la langue et par le corps. Quand tu, par exemple, quand quelque chose t'arrive, tu t'exprimes d'une certaine façon qui va montrer que, est-ce que tu as de la patience ou non? Quelqu'un qui a de la patience, qui est endurant, qui met sa patience en Allah subhanahu wa ta'ala, quand un malheur lui arrive, il va garder sa langue, de commencer à insulter Allah ou à insulter les situations ou les gens ou quoi, et il va faire preuve de retenue. Tandis que la personne qui a une foi faible en Al-Qadar, c'est-à-dire en la prédestination, eh bien il va commencer à injurer les gens et à dire des insultes ou à se mettre en colère contre les gens ou contre quelque chose, yani contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le chef il dit ça, ça fait partie de la base de la foi et de la croyance. Parce que Al-Qadar, la prédestination, c'est un des piliers parmi les six piliers de la foi. Hein. Et parmi les fruits de cette foi en la prédestination, il y a le fait d'être endurant lorsqu'il y a un malheur qui t'arrive. Celui qui n'est pas endurant, lorsqu'un malheur l'atteint, eh bien, en fait, c'est un signe qu'il a perdu la foi en ce pilier, ou bien que cette foi, elle est faible en lui. Et alors, lorsqu'un malheur va l'atteindre, il va commencer à se plaindre et à se mettre en colère ou des choses de ce genre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que ça c'est un kufr qui en fait qui vient en contradiction avec la croyance islamique. Et après le cheikh il mentionne les hadiths yani à ce sujet là. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت فهاتان خصلتان من خصال الكفر لأنهما من أعمال الجاهلية ولكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق ففرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة وبين كفر منكرا كما في هذا الحديث. Donc le cheikh il explique un hadith qui est rapporté par Abu Huraira dans Sahih Muslim, dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: il y a deux choses qui sont parmi les gens qui représentent un acte de kufr ou une sorte de kufr. Et la première, c'est at-ta'nu fil nasab, c'est-à-dire d'insulter les origines des gens, ou yani de crier pour les morts. Yani lorsqu'il y a quelqu'un qui est mort, tu fais des cris, oui, c'est ça, comme les femmes, elles pleurent, elles crient, elles gémissent là. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est deux sortes des actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié de kufr. Après, le cheikh il dit, ce sont deux caractéristiques du kufr. Parce que ce sont des actes qui font partie de al-jahiliya. C'est-à-dire qui font partie des actes de la pré-islam ou du temps avant l'islam. Walakin, mais ça ne veut pas dire que celui qui a en lui une des branches du kufr, qu'il devient kafir en dehors complètement de l'islam. Il se peut qu'il ait une des branches de la mécréance, mais qu'il soit tout de même musulman. D'accord? c'est comme un arbre. L'arbre, il a ses branches, d'accord? Bon, il y a une de ses branches qui est une branche de coupe. Peut-être qu'il y en a une autre branche qui est une branche de nifaq. Sauf que le tronc, il reste toujours un tronc de la foi. Il a toujours la foi parce qu'il reste que les racines et le tronc, c'est basé sur l'islam. Mais il a certaines caractéristiques en lui qui sont des caractéristiques de kuffar. Donc c'est pour ça que ça ne veut pas dire que cette personne-là, elle quitte l'islam parce qu'elle a certaines de ces caractéristiques-là. D'accord? Quelqu'un peut avoir des caractéristiques en lui de certains de couple, mais sans qu'il soit en dehors de l'islam. D'accord? Par contre, il y en a ici, il a perdu la foi au complet. Alors là, mais c'est l'arbre au complet qui est pas bon. C'est pas qu'il est en dehors de l'islam. Un autre exemple. Bon, c'est comme l'exemple. Le prophète Hassan, il a dit, j'ai déjà mentionné ce hadith plusieurs fois, من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. Le prophète Hassan a dit, celui qui n'a pas combattu et qui n'a pas eu l'intention de le faire et qui ne s'est pas dit à lui-même qu'il voulait le faire, il meurt sur une des branches de l'hypocrisie. D'accord? Donc, le prophète Hassan n'a pas dit qu'il allait mourir munafiq. D'accord? Sauf qu'il a dit qu'il a une branche parmi les branches de l'Ifaq. D'accord? Ça peut l'amener à l'enfer, mais tant qu'il a pas, comme Allah dit dans le Coran, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Ça veut dire, tant que tu n'as pas commis le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te pardonner ton péché ou il peut te punir. C'est selon sa volonté. D'accord? Si il te punit, c'est par sa justice. Si il te sauve, c'est par sa miséricorde. D'accord? Donc c'est comme ça. Mais tant que tu n'as pas fait un acte de kufr ou de shirk, il y a un acte qui te fait sortir de l'islam, dans ce cas-là, tu es encore mu'min. Et c'est comme ça que le shirk, après, il explique et il dit, et il y a une différence entre lorsqu'on utilise, lorsque le mot kufr est utilisé dans la parole du prophète, de façon indéfinie et de façon définie. Parfois, il utilise le mot kufr de façon indéfinie. Par exemple, dans ce hadith, il a dit, Esnatan, finnat, huma bihim kufr. Il n'a pas dit, yani, bihim al kufr. Yani, avec al-alif wal-lam. Donc, c'est, le kufr est utilisé ici de façon indéfinie. Donc, ça veut dire, le cheikh, il explique que ça veut dire que ça, c'est pas le kufr. Yani, que tu sors de l'islam. C'est un kufr. Kufr. C'est pas al-kufr. Ça peut, oui, ça peut t'amener au grand kufr si tu le fais. Et après, qu'est-ce qu'il a dit, il a mentionné comme exemple. Un autre hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laysa bayna al-abd wa bayna al-kufri aw al-shirki illa tarku al-salat. Donc, il a donné un autre exemple dans lequel, dans un autre hadith, où le mot kufr est utilisé avec l'article alif wallah, et donc ça voudrait dire que yani, le kufr est défini dans ce hadith. Dans ce hadith-là, le cheikh il dit que ça c'est ce que ça signifie. Malgré qu'on sait qu'il y a une différence d'opinion entre les ulama au sujet de tariq al-salah. Il y a une personne qui ne fait pas la prière. Il y en a parmi les ulama qui ont dit, s'il abandonne et qu'il rend ça halal, il croit que c'est permis de ne pas prier. Alors dans ce cas-là, yani, ou bien il rejette l'obligation de prier, il y a du had, ou du basola, ça a d'accord, mukhrij min al-millah. Mais en ce qui concerne celui qui reconnaît l'obligation de la salat, sauf qu'il l'abandonne parfois comme par paresse ou par négligence, les ulama ont dit, celui-là, il n'est pas kafir en dehors de l'islam. Ça, c'est une autre position parmi les positions des ulama de Ahl al-Sunnah. Okay? Et ça, en fait, c'est la position de Jumhur parmi les a'immah. D'accord? Mais on sait que, en général, les ulama de l'Arabie Saoudite, les ulama là-bas, les shuyukh là-bas, ils sont tous sur la position qu'il est kafir en dehors de l'islam. Par contre, il y a une différence d'opinion, comme on l'a dit, parmi les ulama, et même pas, parce que les ulama de l'Arabie Saoudite, ils sont hanabila, ils sont sur le madhhab de Ahmad ibn Hanbal. Mais malgré tout, il y a aussi d'autres ulama qui sont aussi des hanabila, comme par exemple Ibn Qudam al-Maqdisi. Et puis dans Al-Mughni, il a défendu la position de ceux qui disent que celui qui laisse la prière par paresse et pas kafir, et pas muqtijin al-Allah. بين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العلماء ils ont pris ce hadith là pour dire ça, c'est un kufr d'un kufr. C'est-à-dire, c'est pas un kufr qui fait sortir quelqu'un de l'islam, sauf s'il rejette l'obligation de la prière, là il sort complètement de l'islam. C'est ça, il y a différence. Il y en a qui disent que c'est un kufr. C'est exactement ça. Comme le frère dit, c'est un kufr amali, mais pas intégral. Pour certains. Mais, ouais, c'est ça, il y en a. Ouais, si on est dans un pays musulman et qu'il y a la charia qui est appliquée, tous les ulama sont d'accord que celui qui abandonne la prière, il doit être un mustatab. Il doit être ordonné de faire la prière, et puis, s'il ne la fait pas, s'il refuse toujours de la faire, il doit être exécuté. Ouais, pendant 3 jours, on lui donne le temps, on lui explique, le juge lui donne un délai, et si après 3 jours il refuse toujours de la faire, alors il est exécuté. Il y en a des ulama qui ont dit on lui donne pas 3 jours. On lui, parce que, entre une prière à l'autre, tu dis à quelqu'un prie, si les musulmans ils doivent prier, s'il refuse toujours de prier, même une journée, est-ce qu'on peut dire qu'il est mu'min? Et il y a une autre différence d'opinion. Ben, il y en a justement qui ont eu cette différence-là aussi. Ils ont dit, s'il est exécuté, est-ce qu'il va être exécuté par punition ou par apostasie? C'est-à-dire, est-ce qu'il est tué, qatl had, ou bien ridda? Parce que, si quelqu'un tu lui donnes le choix entre la mort et l'islam, puis il choisit la mort, est-ce que ça va dire qu'il est mu'min ou est-ce que ça va dire qu'il est kafir? Donc c'est un débat là vraiment entre les ulama. Moi je suis pas sûr, mais les 3 jours là c'est pas seulement pour la prière, c'est pour toutes les hudoud qui ont rapport, qui peut amener à le kufr. Quand par exemple quelqu'un a fait un acte de kufr ou de ridda, on lui donne en général 3 jours pour qu'il revienne à l'islam. Est-ce qu'il y a un hadith là-dessus? Wallahu a'lam. Mais c'est une pratique qui était connue même au temps du sahaba, mais il faudrait que je retourne pour vérifier là-dessus. Oui, le père, il donne l'exemple que Abu Bakr Siddiq, il a combattu les gens qui avaient refusé de payer la zakat, et il a dit qu'il les a combattus comme étant des apostats et non comme étant des pécheurs. Il y a des ulama qui ont répondu à ça, ils ont dit par exemple, oui c'est vrai, il les a combattus, mais parmi eux il y avait aussi des murtadoun, c'est-à-dire les gens qui suivaient Musaylama al-Kazzab. Et Musaylama c'est un gars qui a prétendu qu'il était un prophète. Donc ils étaient un peu mélangés les gens. Il y avait Mani al-Zaka, ceux qui ont refusé de payer la Zaka, et il y avait aussi les gens qui suivaient Musaylama, et ils étaient tous mélangés. Et donc ils les ont combattus comme étant des murtadoun, des apostats, à cause de ça. Mais est-ce que c'était pour dire que ceux qui ont refusé de payer la zakat, ils étaient considérés comme étant des murtadoun? Il faut, je ne me souviens plus, il faut que je retourne à ça, mais comme j'ai dit, il y a ce khilaf entre les ulama depuis le temps des sahaba, depuis le temps des a'immaïens, ce n'est pas depuis aujourd'hui. C'est un khilaf qui existe depuis longtemps. Et puis, donc, de tous les deux côtés, il y a des adillah, il y a des preuves pour les deux. Et puis, souvent c'est les mêmes preuves qui sont utilisées, c'est juste la façon de les comprendre, d'où vient la divergence entre les deux côtés. Moi, j'ai lu beaucoup de livres qui parlaient de ce conflit-là entre les ulama, et l'opinion qui m'a semblé le plus en accord avec les preuves, c'était que celui qui ne fait pas la prière, mais qui le fait, qui l'abandonne par paresse, donc il a fait, des fois il a fait pas, des fois il a fait, mais il sait qu'il est obligatoire, il sait qu'il est un pécheur, que celui-là il n'est pas en dehors de l'islam, il est toujours musulman, sauf qu'il est un pécheur, il est un fasiq. Et que c'est sûr que, yani, c'est un grave péché dans le sens que, yani, c'est plus grave que tuer, voler, manger du porc, ou faire des grands kaba'ir. Parce que ça, c'est plus grave que manger du porc, plus grave que boire de l'alcool, plus grave que faire du zina, plus grave que tuer. Et tu l'as mis par exemple, juste une question. Elle est plus juste comme ça, tu sais, tu l'as fait pendant 3 ans ou 5 ans. Non. Il y a une fois, ça aussi c'est un grave péché. Si tu la laisses intentionnellement, c'est un grave péché. Il faut faire taube. Il faut te repenser. Et il faut te dire que tu ne vas plus la laisser, que tu vas commencer à la faire. Hein? فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم. نعم. يا أوصي الآية دي par exemple. فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة اتبع الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني العلماء يقولون دي ça c'est pour celui qui l'a retard, pas pour celui qui l'a laissé complètement. Mais comme on dit, yani, on pourra y revenir parce que là le yani que yani pas qui ouais qu'ils ont négligé la l'obligation de la prière, parce qu'il y a un temps où les aïmaïs et certains des dirigeants, ils retardaient la prière. Alors dans ce temps-là, qu'est-ce qu'ils faisaient les sahaba? Je pense qu'ils priaient tout seuls à la maison, la prière, et après ils allaient prier le jama'a avec les gens, parce qu'eux ils retardaient intentionnellement la prière. La même prière. Mais eux ils faisaient bien entendu pas avec l'intention de faire une sunnah. Wallahu alam. Notre cours c'est pas sur ça, hein. C'est sur un sabr. Donc on voulait juste donner un exemple là. On va revenir sur le sujet, inshallah. Après le chef dit, wa fi sahihayn, laysa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyyah. En fait, Allah sallam, il a rapporté dans un autre hadith, rapporté dans al-sahihayn, c'est-à-dire rapporté par al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas d'entre nous, on ne fait pas partie de nous, celui qui frappe ses joues et qui déchire ses vêtements et qui appelle les gens à un appel de jahiliya. Da'wa al-jahiliya, par exemple, al-qawmiya, yani le fait d'appeler les gens à une tribu ou à un tribalisme, une forme de tribalisme. De se défendre par rapport à ça, au lieu de s'associer par rapport à l'islam, il se rassemble par rapport à une idée autre que l'islam, dans le but de. Et le cheikh il explique justement, il dit wa fi qawli wa qawluhu fi al-hadith da'a bi da'wa al-jahiliya, qala ibn al-qayyim, ad-du'a bi da'wa al-jahiliya kad-du'a ila al-qaba'il wal-'asabiyya. ومثله التعصب إلى المذهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعضهم على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي كل هذا من دعوة الجهمية انتهى كلامه. الشيخ الزي en ce qui concerne d'appeler un appel de l'ignorance ou de Jahmiya, Ibn al-Qayyim, l'élève d'Ibn Taymiyyah, il a dit, qu'est-ce que ça signifie d'appeler à un appel de l'ignorance ou de Jahmiya? C'est comme si tu appelles les gens à une tribu ou à un groupe. Hein? Au lieu d'appeler les gens à l'islam, tu appelles les gens à une tribu ou tu appelles les gens à un groupe de personnes. Et il dit, et c'est la même chose que aussi d'appeler les gens à s'associer à un madhab ou à un groupe ou à un cheikh. Et c'est comme si tu dis aux gens, venez dans mon groupe. Et tous ceux qui sont contre notre groupe, on doit les combattre. Et tous ceux qui supportent notre groupe, on doit les aimer. Il y en a comme si c'était quelque chose en dehors de l'islam. Ou comme si, par exemple, il y en a on se considérait comme si on faisait un groupe, nous, et on disait, nous sommes les musulmans, nous sommes des musulmans, et on doit appeler les gens à nous suivre, nous. Et tous ceux qui vont être contre nous, on va être contre eux, on va les détester. Et tous ceux qui vont être avec nous, on va les supporter, on va les aider. Donc ça, c'est une forme de da'wah al-jahiliya. C'est quelque chose qui est contraire à l'islam. Et c'est comme, par exemple, tu suis un chef, par exemple. Il y a des gens qui disent, bon, nous on suit tel chef, et on aime ce chef, et on aime, et on appelle tout le monde à l'aimer et à le suivre. Ceux qui ne sont pas d'accord à suivre ce chef avec nous, on va le combattre, on va le détester. On n'est pas avec eux, on ne les supporte pas, mais on s'éloigne de ces gens-là. Donc c'est une sorte de afabiyya, une sorte de da'ul-jahiliya. Ça s'appelle les gens de cette façon. C'est un appel qui amène à diviser les musulmans et à les diviser en groupes. Comme si tu prends un chef, tu dis lui, ce chef il est mieux que ton chef. Puis on veut suivre ce chef-là, on ne veut pas suivre l'autre. Sans se baser sur les références du Coran et de la Sunna, mais juste en se basant sur une sorte de il y a un partisanisme là. Hein, c'est ça qui est pas correct. Après, le chef il dit, Wallahu subhanahu yajri. المصائب على عباده لحكم عظيمة ومنها أنه يكفر بها خطاياهم كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة رواه الترمذي وحسنه الحاكم. Le chef il dit, et il y a dans les épreuves qui atteignent les serviteurs de grandes sagesses. Il y a de grandes sagesses dans ça. Parmi ces sagesses-là, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala efface nos péchés. Lorsqu'un malheur nous atteint, Allah subhanahu wa ta'ala il va effacer nos péchés à cause de ce malheur. Si on est patient et si on accepte cette épreuve, Allah nous efface nos péchés pour cette épreuve. Il dit dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith est rapporté par, selon Anas, radiallahu anhu, Anas ibn Malik, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Allah sallallahu alayhi wa sallam veut un bien pour son serviteur, il lui précipite sa punition dans cette dunya, ou bien il lui donne sa punition très tôt dans cette dunya, et celui pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala veut du mal, il ne lui donne pas sa punition dans cette dunya pour son péché, et il va être puni pour son péché au jugement dernier. Hein? Après, il mentionne l'explication du Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans lequel il dit, المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب تدعو إلى الصبر ويثاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطايا وهذا من أعظم النعم فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك فيكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية فهي بكونها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق والله تعالى محمود عليها فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة وحصل له ثناء ربه عليه قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك انتهى كلامه Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah l'a expliqué, une bonne explication ici, et il a dit que les épreuves et les malheurs qui nous arrivent sont une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est quelque chose de surprenant quand on entend ça, parce que d'habitude les gens, on considère toujours les malheurs qui nous arrivent comme étant quelque chose de mal, alors qu'en réalité ce sont quelque chose de bien pour nous. Bien entendu, il ne faut pas les demander. Il ne faut pas demander à Allah de nous donner des malheurs ou de nous donner quelque chose de mal dans notre vie. Au contraire, il faut lui demander de nous épargner des malheurs. Sauf que lorsque les malheurs nous ont été prédestinés et qu'ils nous arrivent, il faut faire preuve de patience et savoir que c'est une miséricorde d'Allah. Le Cheikh il dit pourquoi c'est une ni'ma, pourquoi c'est une miséricorde? Parce qu'elle nous efface nos péchés. Et parce qu'elle appelle les hommes à faire preuve d'endurance. Et on est récompensé pour ça. Et elle implique aussi qu'on doit retourner à Allah subhanahu wa ta'ala en repentance. Et qu'on doit s'humilier à lui et se détourner de sa créature. Parce qu'on sait que lorsqu'un malheur nous atteint, aucune autre personne peut nous aider excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il a réalisé ذلك من المصالح يعني et il y a bien entendu beaucoup d'autres bienfaits énormes à ça et il dit le cheikh et même les épreuves le fait que Allah nous efface nos péchés et nos erreurs il dit ça déjà c'est parmi les plus grands miséricordes parce que les épreuves sont une miséricorde et une bénédiction, un bien pour nous, pour tout et pour toute la création. Oui. Excepté dans un cas. Et ce cas-là, c'est si ce malheur-là te fait tomber dans des péchés plus grands que ce que tu faisais avant cette épreuve. Par exemple, le chef il dit, dans ce cas-là, ça devient un mal, pas à cause de l'épreuve elle-même ou du malheur lui-même, mais à cause de ce qui t'a atteint dans ta religion. Parce qu'il dit, par exemple, il y a des gens, lorsqu'ils sont testés par la pauvreté ou par la maladie ou par une blessure ou un malaise ou une blessure ou quelque chose, alors il tombe dans des formes d'hypocrisie, de mécréance apparente. Il peut par exemple commencer par exemple à insulter Allah subhanahu wa ta'ala ou à dire des paroles de kufr ou à faire des actes d'hypocrisie ou à laisser tomber certaines obligations et adorations que Allah lui donne. Alors dans ce cas pour lui c'est pas bon pour lui à cause que ça l'éloigne d'Allah dans sa religion. Et dans le cas de cette personne, la santé était meilleure pour elle que le fait d'être atteint de ce malheur. Mais c'est pas que le malheur lui-même est quelque chose de blâmable, mais c'est surtout à cause de qu'est-ce qu'il atteint dans sa religion. Mais يعني pour celui كما أن من أوجبت له مصيبة يعني pour celui que l'épreuve lui amène de la patience et de l'obéissance, alors dans son cas à lui, c'est une miséricorde dans sa religion. Et يعني on sait que l'épreuve, ça fait partie des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala pour sa création. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, il est glorifié pour elle, il mérite d'être glorifié pour ça. Alors celui qui est testé et que Allah lui donne de la patience et de l'endurance, alors l'endurance est une miséricorde pour lui dans sa religion. Et il a à cause de ça une bénédiction, yani Allah lui pardonne ses péchés, il lui donne une miséricorde et Allah le glorifie. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, pour eux, ceux qui ont été endurants, Allah subhanahu wa ta'ala prie sur eux et yani, il leur donne une miséricorde et il leur pardonne leurs péchés et les élève en degré. Voilà. Donc après le cheikh dit « وَمِنَ الْحِكَمِ الْإِلَهِيَةِ فِي إِجْرَاءِ الْمَصَائِبِ ابْتِلَاءُ الْعِبَادِ عِنْدَ وُقُوعِهَا مَنْ يَصْبِرُ وَيَرْضَى وَمَنْ يَجْزَعُ ويسخط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وحسنه. Donc le hadith il explique ici une des sagesses de l'endurance. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la grandeur de la récompense correspond à la grandeur de l'épreuve. Plus quelqu'un est testé, plus qu'il a une grande épreuve dans sa vie, plus il a une plus grande récompense s'il est endurant dans cette épreuve. Et on voit aussi la preuve de ça dans le fait que les hommes qui ont eu la plus grande épreuve dans leur vie sont les prophètes et les personnes qui sont pieuses. C'est eux qui ont le plus souffert dans leur vie et qui ont enduré le plus de difficultés à cause de leur appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Après le cheikh il dit, oui, ça c'est la première partie du hadith, et après, ça suit, ça dit, inna Allah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala aime un peuple, il les éprouve, il leur donne des épreuves. Hein? Il y a un hadith comme ça que j'ai appris, au tout début, quand j'ai commencé à apprendre l'arabe, man yuridillahu bihi khayran yusid minhu. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala lui veut du bien, il lui donne des épreuves. Alors, lorsqu'Allah aime un peuple, il leur donne des épreuves. Faman radiya, celui qui est satisfait, alors il aura la satisfaction. Mais celui qui se met en colère ou qui est insatisfait, mais il sera aussi satisfait, il aura la colère. C'est rapporté par At-Tirmidhi. Après, le cheikh il dit, وَالْرِضَى هُوَ أَنْ يُسْلِمَ الْعَبْدُ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ وَيُحْسِنُ الظَّنَّ بِهِ وَيَرْغَبُ فِي ثَوَابِهِ. Donc, d'être satisfait, qu'est-ce que ça signifie? ça signifie que le serviteur, il se soumet à l'ordre d'Allah et qu'il a une bonne pensée pour Allah, qu'il pense du bien d'Allah et qu'il espère en sa récompense. Quand tu as un malheur dans ta vie, là, eh bien, sois satisfait, accepte-le et espère la miséricorde et la récompense d'Allah dans ta vie. Et lorsque, ça veut dire quoi? Ça veut dire le dédain, ou de détester quelque chose, et de ne pas être satisfait de cette chose. Comme par exemple, celui qui déteste Allah, il déteste ce que Allah lui a donné, lui a donné, فَلَهُ السَّخَطُ مِنَ اللَّهِ. Donc, Allah, il va être en colère contre lui. Celui qui déteste ce qu'Allah lui fait arriver, alors Allah le déteste. يعني في تعالى الله فبدير الحمد لله على كل حال يتدوى إتقاضيها يعنى كي أتن ce niveau là qu'ils vont être contents lorsqu'un malheur va leur arriver. Mais ça, c'est pas n'importe qui parmi les serviteurs d'Allah. Non, exactement. Exactement. C'est ça. Non, c'est ça. C'est pas au point où que tu le demandes, là, tu vas te mettre dedans. Tu vas te jeter, oui, tu vas comme tu vas te jeter dans la fitna, toi-même. Il faut pas demander. Regarde qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba. La tatamannaw liqa al-adu. N'espérez pas la rencontre de l'ennemi. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça? Parce qu'il sait que la rencontre de l'ennemi, c'est quelque chose de difficile, quelque chose de dur pour l'âme, pour le corps. Mais si l'ennemi arrive, fasse boutou. Hein? Soyez ferme. Mais si l'ennemi arrive, alors là, soyez ferme. Mais il ne faut pas le demander, hein? Il ne faut pas l'espérer même, il ne faut pas l'espérer. Parce que c'est quelque chose de difficile, quelque chose de difficile. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Le chef lui dit, « وفي هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل وفيه إثبات الرضا من الله سبحانه وتعالى على ما يليق به كسائر صفاته وفيه بيان الحكمة في إجراء المصائب على العباد وفيه إثبات القضاء والقدر وأن المصائب تجري بقضاء الله وقدره وفيه مشروعية الصبر على المصائب الله والرجوع إلى الله والاعتماد عليه وحده في كل ملمة ودفع كل مكروه. Donc le cheikh il explique les choses qu'on peut extraire de ce hadith comme règle, comme bienfait. Alors comme exemple, il dit que parmi les exemples qu'on peut sortir de ce hadith, c'est que la punition est toujours par rapport, ou la récompense est toujours en correspondant à l'action. Elle correspond toujours à l'action. Et aussi, il y a que on doit être satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, il y a le fait que arriba d'après ce que je comprends là, c'est que il faut affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala a une satisfaction pour ses serviteurs et que c'est selon ce qui lui convient, comme le reste de ses attributs. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala yarba. Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait de ses serviteurs quand ils font ce qu'il lui demande. Alors, la satisfaction fait partie de ses attributs. Tandis qu'il y a parmi des gens de Bid'a qui nient que Allah subhanahu wa ta'ala a une satisfaction. Et ils disent que si tu affirmes ça à Allah, tu as fait ressembler Allah à sa création. Donc, ils essaient de nier ça. Et donc ça c'est une bid'a de nier les attributs d'Allah de toute façon. Et on dit laïsa kamithlihi shay. On affirme ses attributs, mais en même temps on dit qu'il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Après il dit le cheikh, et il y a aussi dans ça la, l'explication de la sagesse dans le fait de faire subir aux serviteurs des épreuves. Et il y a aussi dans ça l'affirmation de la foi en al-qada ou al-qadar, du décret et de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi il y a un autre bienfait, c'est que on doit croire que tout ce qui nous arrive d'épreuves, elles arrivent uniquement à cause de la prédestination d'Allah. Et qu'on doit, selon les règles de l'islam, être endurant vis-à-vis de ces épreuves et de retourner à Allah en repentance et de mettre notre confiance en Allah dans tout malheur qui peut nous arriver et de demander à Allah d'éloigner de nous tout ce qui est mal. وقد أمر الله بالاستعانة بالصبر والصلاة على ما يواجه الإنسان في هذه الحياة من متاعب ومشاق، لأن من وراء ذلك الخير والعافية الحميدة. وأخبر أنه مع الصابرين بنصره وتأييده، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. مما يدل على أن أهمية الصبر وحاجة المؤمن إليه هو من مقومات العقيدة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر والاحتساب وأن يمن علينا بالتوفيق والهداية. آمين. Après le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'être endurant et d'être patient dans la prière et dans de chercher dans la prière et dans l'endurance la patience vis-à-vis ce qui atteint l'homme dans sa vie, des difficultés et des choses qui le fatiguent, qui sont difficiles pour lui. Et derrière ça, il y a beaucoup de bien pour lui. Et il y a une bonne fin, une fin glorieuse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé que il est avec ceux qui sont patients. Inna Allaha ma'a as-sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala est avec les endurants et qu'il leur donne son aide et sa victoire à ceux qui sont endurants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhal ladhina amanu istainu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'a as-sabirin. Oh, les croyants, cherchez l'aide en la prière et la patience et la prière, et Allah subhanahu wa ta'ala est certes avec les endurants. Mumayadullu, et ça nous montre l'importance de la prière, et ça nous montre que le croyant en a un grand besoin, et que ça fait partie des principes fondamentaux dans la croyance. Donc, ça termine aujourd'hui notre dars sur la patience. Et puis, je sais pas, il est quelle heure? Il reste beaucoup de temps. Est-ce que vous, ouais, on a commencé à, non, 6h30, même, ouais. Là, c'est à 6h, mais on arrive souvent à 6h30. Mais parce que le maghrib est plus tard, donc, ouais, c'est ça. Oui. C'est ça, mais je me demandais si vous voulez qu'on continue un peu? Oui? Ok, ben alors, on fait un pause, une petite pause. Ok, on fait une petite pause et je vais continuer après. Oui. Tu as reçu la réponse que je t'ai envoyée? Oui? Oui, ok. Oui, Fawzi, à la Sari. Je ne le connais pas vraiment là. Mais j'ai. Ah oui, je ne l'ai pas vu. Encore. Ok. Ah, oui, oui, oui, c'est un des... Oui. Non, mais c'est parce que le mot... Oui, le nom cheikh, il a plusieurs définitions. Il peut être utilisé pour le chef d'une tribu, on appelle cheikh. Ou bien, on peut être utilisé aussi pour une personne âgée, par signe de respect, il l'appelle cheikh. Ou bien, il peut être utilisé pour signe de respect pour quelqu'un qui a du ilm. Et donc, quelqu'un qui est riche aussi, qui est haut placé dans son peuple, alors on l'appelle cheikh aussi. C'est plus dunya par rapport à des choses. Ouais. Oui, c'est ça, Alan. Oui, c'est ça. Mais eux, ils ont appris ça de cette façon, comme cheikh. Toi, tu penses qu'il parle des ulama ou des savants? Ouais, non, mais avec, il parlait des noms placés. Ah, ok, ok. Ah, bien. Donc, il y a un mot, c'est un mot qui est connu. Ouais, ok. Ouais. Lui, il pense que c'est. Mais si tu regardes dans le dictionnaire français, tu vas trouver le mot cher. Tu regardes dans le Larousse, là. Ouais, c'est écrit. Mais tu peux rester n'importe. Ouais, c'est ça. Mmh. On peut même regarder, je pense qu'il y a un dictionnaire là-bas. Tu connais en quoi là ou français? Ouais, il y a deux. C'est que tu nous as. C'est vieux. C'est un livre qui a été écrit, ça fait très longtemps ça. Mon mère, il y en a, il est seul avant d'étudier les bases de elle. Ils veulent sauter à la. Mais non, le poids avant de bâtir la fondation. CH, oui, je crois. On continue. بيان الفاظ ما لا الفاظ الفاظ لا يجوز أن تقال في حق الله تعالى تعطيلا لشأنه الله جل وعلا عظيم يجب أن يعظم وهناك الفاظ لا يجوز أن تقال في حقه سبحانه تعظيما له وقد ورد النهي Anha. Donc le cheikh il dit qu'il va expliquer certaines expressions qu'on n'a pas le droit d'utiliser parce qu'elles viennent en contradiction avec le respect qu'on doit avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh c'est ce qu'il dit, il dit Allah subhanahu wa ta'ala est très grand, azim, et c'est obligatoire qu'on l'exalte et qu'on le vénère. Et donc, le cheikh dit, et il y a des paroles ou des expressions qu'on n'a pas le droit de dire vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, parce que, étant donné que elles vont en contradiction avec le respect qu'on lui doit. Et on est interdit de les dire. Par exemple, من هذه الألفاظ, أنه لا يقال السلام على الله, لأن السلام دعاء للمسلم عليه بطلب السلامة له من الشرور والله سبحانه يطلب منه ذلك لا يطلب له ويدعى ولا يدعى له ويدعى ولا يدعى له لأنه الغني لا له ما في السماوات والأرض وهو السالم من كل عيب ونقص ومانح السلام ومانح السلامة ومعطيها وهو السلام ومنه السلام. Donc le cheikh il dit parmi ces expressions, on n'a pas le droit de dire assalamu ala Allah. Hein, comme on dit nous, assalamu alaykum. Aux musulmans, on dit assalamu alaykum. Mais on n'a pas le droit de dire assalamu ala Allah. Pourquoi? Parce que, quand on dit assalam à quelqu'un, c'est comme si on fait un dua. On demande à Allah de lui donner le salam, la paix, et de lui éloigner le mal, de l'éloigner du mal. Donc, c'est quelque chose qu'on demande à Allah de faire. Et donc, on n'a pas le droit à le demander pour lui. Donc, on a le droit de l'invoquer, mais on n'a pas le droit d'invoquer pour Allah ou de hein? Parce que Allah SWT n'a pas besoin de rien. C'est à lui qu'appartient les cieux et la terre. Et c'est lui qui est sauf de toute forme d'imperfection ou de défaut. Et c'est lui qui donne la paix. Donc on ne peut pas lui donner la paix. Hein? C'est lui qui la donne. On ne peut pas lui donner. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire ça. On voit salam ou minhu salam. Et il y a un hadith rapporté par, il est sahih, il dit, wafi sahih. Il n'a pas mentionné, est-ce que c'est dans Al-Bukhari, au Muslim? Est-ce que c'est écrit pour dans le livre? Wafi sahih. Ah, mais ici, il a dit wafi sahih. Wafi sahih. An ibn Mas'ud. Mais en bas, est-ce qu'il y a une référence? C'est quoi le signe? Et le numéro, le chiffre 1 en bas de page. Qu'est-ce qu'il dit en bas? C'est ça. Mutafakun alayhi, ça veut dire qu'il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, il est rapporté selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui a dit, Kunna iza kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fit salah, qulna assalamu ala Allahi min ibadihi, assalamu ala fulanin wa fulan. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام أي إنه السالم من كل نقص. Donc le hadith rapporté dans Sahih al-Bukhari Muslim selon Ibn Mas'ud qui dit lorsque nous étions avec le prophète صلى الله عليه وسلم dans la prière parmi nous il y en avait qui disait السلام على الله de ses serviteurs. Assalamu sur telle personne ou telle personne, sur un tel ou un tel. Alors le prophète nous a dit, ne dites pas assalamu ala Allah, car Allah c'est lui assalam. Assalamu al-mu'min al-muhaymin, al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Donc assalam, ça fait partie de ses noms. Et donc tu peux pas justement lui donner le salam puisque c'est lui assalam. Et qu'est-ce qu'il dit l'explication, le cheikh il dit hey, inna Allah salimun min kulli naqs, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de toute imperfection. Wa qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah as-salamu masdar wa huwa min al-fadhi al-du'a yatadammanu al-insha' wal-ikhbar fajihatu al-ikhbariyah تناقض الجهة الإنشائية وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. Je ne vais pas expliquer ce passage parce que c'est trop des termes grammaticaux dans la grammaire et dans la langue et puis moi je ne suis pas capable de d'expliquer. Mais il explique pourquoi linguistiquement on ne peut pas dire ça. C'est ce qu'il dit. Et après il dit, il a un qal, wa al maqamu, lama kana maqam talabu salama, التي هي أهم عند الرجل أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى وهو السلام الذي تطلب منه السلامة فتضمن معنيين أحدهما ذكر الله والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم donc il dit jusqu'à ce qu'il dit et dans ce hadith, yani, et lorsqu'on demande assalam, on fait le doa à quelqu'un, assalamu alaikum, et on demande pour cette personne qu'elle soit sauvée de tout mal, et qu'elle soit, yani, et c'est la chose la plus importante pour l'homme. Après, il dit, oui, dans quand on le demande dans ce hadith là, il est venu sous la forme d'un des noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire As-Salam. Et c'est de lui qu'on demande As-Salam. Donc ça implique deux significations. La première signification, ça implique un rappel d'Allah. On invoque un des noms d'Allah, donc on se rappelle de lui. Et deuxièmement, on demande de lui de nous sauver de mal, du mal, ou de nous donner la paix. Et donc ça, c'est un doa, et en fait, c'est ce que le musulman recherche. Après, il dit, وَمِنْ أَلْفَاظِ الَّتِي لَا تُقَالُ فِي حَقِّ اللَّهِ. Là, il donne un autre exemple. فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُمَ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ فَطَلَبُ الْحَاجَ مِنَ اللَّهِ لَا يُعَلَّقُ بِالْمَشِئَةِ وَإِنَّمَا يُجْزَمُ بِهِ. Donc le cheikh il dit, parmi les choses qu'on n'a pas le droit de dire, c'est de dire, oh Allah, pardonne-moi si tu veux. Parce qu'il dit ça fait partie des choses qu'on demande à Allah et qu'on ne doit pas mettre en accord avec la volonté, parce qu'on doit le demander avec conviction. Quand on demande à Allah, on doit demander avec conviction. Et si tu dis « inshit », c'est comme si tu dis en réalité « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux », comme si en réalité, ça ne me dérange pas si tu ne me pardonnes pas. Allez, si tu veux, pardonne-moi, si tu ne veux pas, pardonne-moi pas. C'est comme si ça ne me dérange pas en fait. Donc c'est pour ça que tu dois faire preuve de conviction quand tu demandes à Allah. Et après le cheikh il dit « Wa fi al-sahihayn an Abi Hurayra radiyallahu anhu anna Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam qal la yaqul ahadukum Allahumma ghfirli in shi'at, Allahumma arhamni in shi'at. ليعزم المسألة لأن الله لا مكره له لا مستكره له ضيفي لا مكيل سيطا مكيل على المشروع ما في حديث صحيح رابطي صحيح مسلم et puis il est rapporté sur Abu Huraira que le prophète a dit ne dites pas oh Allah pardonne-moi si tu veux oh Allah sois miséricordieux envers moi si tu veux. Tu dois être convaincu et ferme dans ta demande. Et Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut le forcer à faire quelque chose de toute façon. Yani même si quand tu fais ton doa, c'est sur une forme impérative. Oh Allah, donne-moi. Oh Allah, pardonne-moi. Sauf que pour Allah, c'est pas un ordre. Parce que personne ne peut le forcer à faire quelque chose. C'est une demande, parce que ça vient de quelqu'un qui est bas vers quelqu'un de haut. Donc c'est dans ce sens. Après, le cheikh il dit « وَالنَّهْلِ عَنْ ذَلِكَ لِأَمْرَيْنِ » Ça, c'est l'interdiction pour ça, ça vient à cause de deux choses. « الأول, أن الله سبحانه وتعالى لا مكره له على الفعل وإنما هو يفعل ما يريد بخلاف العبد فإنه قد يفعل الشيء وهو كاره ولكن يفعله لخوف أو رجاء من أحد والله ليس كذلك. Donc la première raison pourquoi c'est interdit, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut le forcer à faire quelque chose, il ne fait uniquement que ce qu'il veut. Contrairement au serviteur. Parce qu'un être humain, ça se peut qu'il fasse quelque chose alors qu'il n'ait pas envie de le faire. Et il déteste la chose qu'il doit faire, mais il le fait parce qu'il a peur ou parce qu'il espère quelque chose de quelqu'un. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas de cette façon. Et la deuxième raison pourquoi c'est interdit, أن التعليق على المشيئة يدل على فتور في الطلب وقلة رغبة فيه. Donc ça, la deuxième raison, c'est que lorsque tu dis que tu limites ça à la volonté d'Allah, c'est-à-dire tu dis « Oh Allah, donne-moi telle chose si tu veux », ça montre comme si en réalité tu n'en as pas besoin de cette chose-là. C'est comme si tu n'en as pas vraiment envie de l'avoir. فَإِنْ حَصَلَ وَإِلَّا اِسْتُغْنِيَ عَنْهُ وَهَذَا يَدُلْ عَلَى عَدَمِ الْإِفْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ. Et donc ça montre qu'en réalité tu n'as pas vraiment besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala quand tu dis « si tu veux ». Oui, des fois les gens le font, mais par habitude ou par ignorance, sans faire attention. Ils disent « Inch'Allah, après toute chose ». Et sans faire attention, ils ne réalisent pas que quand ils font un dua, ils ne doivent pas dire « Inch'Allah ». Après, un autre hadith, aussi riwayat muslim, « الأمر بتعظيم الطلب لا يتعاظمه شيء أعطاه ولا يكبر لا يكبر عليه سبحانه ولا يعصره وليس عنده بعظيم إن عظم في نفس المخلوق وذلك لكمال فضله وجوده وسعة غناه فهو يعطي العظائم ولا يعجزه شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. نعم. Ouais, donc ça c'est dans une autre version de ce hadith selon le Muslim, que Allah subhanahu wa ta'ala il aime qu'on lui demande. Et il n'y a rien qu'on peut demander à Allah qui soit trop grand pour lui. D'accord? Donc, il ne faut pas penser que quelque chose est grand pour Allah. Parce que pour lui, il n'y a rien de grand. Même si pour toi, dans ton âme, c'est quelque chose de grand, pour Allah, c'est petit. C'est quelque chose de petit. Hein? Alors, en fait, Allah, c'est ça fait partie de sa bonté et de sa générosité et de sa largesse, de sa large richesse, qu'il est capable de donner à tout le monde toute chose, même si elle est énorme, même si elle est grande. Et il n'y a rien pour lui qui est difficile à faire. Et comme il cite dans le verset, « Innama amruhu » c'est lorsque Allah veut une chose, il n'a qu'à dire soit et elle est. Hein? Après, il mentionne un autre exemple. Il dit « وَمِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَا تُقَالُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى الْإِقْسَامُ عَلَى اللَّهِ إِذَا كَانَ عَلَى جِهَةِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَفْعَلُ الْخَيْرِ عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم والتألي من الألية بتشديد الياء وهي اليمين ومعنى يتألى يحلف وقوله من ذا الذي استفهام إنكار. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est que c'est interdit de dire à propos d'Allah ou de jurer par Allah ou de jurer pour Allah ou de jurer par Allah que Allah ne va pas faire quelque chose de bien. Par exemple, dans l'exemple du hadith, il y avait deux personnes qui étaient des amis. Mais il y en avait, en fait, ils se connaissaient les deux. Et il y en avait un qui faisait des péchés. Et il y en avait un qui était persistant dans l'adoration. Alors, celui qui faisait toujours l'adoration, il voyait toujours l'autre qui faisait des péchés. Et il lui disait, laisse tomber ce péché. Laisse tomber ce péché. Repens-toi. Et l'autre, il disait, laisse-moi avec moi et mon Seigneur. Et il laisse ça entre moi et mon Seigneur. Et moi, je vais, Allah, il va me juger, il va s'occuper de moi. Alors, à chaque fois qu'il le voyait, celui qui faisait de l'adoration, qui adorait Allah, il disait, accepte. Il laisse tomber ce péché. Et l'autre, il disait à chaque fois, laisse-moi avec Allah. Et là, une fois, celui qui faisait l'adoration, il a dit, Wallahi, Allah ne va jamais te pardonner. Alors, ils sont arrivés au jugement dernier, et là, celui qui faisait, Allah a dit qu'il faisait l'adoration, yani, est-ce que, attends, أكون تبع عالما est-ce que yani le sens comment qui t'a dit que j'allais jamais me pardonner hein oui c'est ça et est-ce que tu pensais que tu as un pouvoir dans ça hein et il a dit rentre à l'enfer et il a dit alors qu'il faisait les péchés entre au paradis par ma miséricorde donc yani le cheikh il explique ça et dans le livre il a mentionné un autre hadith c'est le même histoire mais c'est pas le même formulation sauf que yani, c'est la même histoire et le cheikh il dit wa hadha ar-rajul asa al-adab ma Allah wa hakama alayhi wa qata'a annahu la yaghfiru li hadha al-mudhnib فكأنه حكم على الله سبحانه وهذا من جهله بمقام الربوبية واقتراره بنفسه وبعمله وإدلاله بذلك فعومل بنقيض قصده وغفر لهذا المذنب بسببه وأحبط عمله بسبب هذه الكلمة السيئة التي قالها مع أنه كان عابدا donc le cheikh il dit cette personne qui adorait Allah, elle a manqué de manière envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle a jugé l'autre personne, et elle a déterminé que cette personne n'allait jamais être pardonnée. Ce pécheur-là, la personne qui faisait les péchés, il n'allait jamais être pardonné. Comme si il pouvait juger par-dessus Allah subhanahu wa ta'ala. À la place d'Allah. Et cette personne, et ça fait partie de son ignorance à propos de la souveraineté d'Allah. Et aussi, le fait qu'il se soit trompé, yani, il a été trompé par son âme, yani, dans le sens qu'il s'est vu haut. Il s'est vu comme étant quelqu'un de haut. Il regarde les autres bas. Et il s'imagine que, à cause de ses actions, il est meilleur et qu'il va entrer au paradis et qu'il peut commencer à juger les autres qui font des péchés. Donc, il faut bien comprendre dans cette histoire que l'erreur de la personne qui faisait le bien, c'était pas d'avoir dit au pécheur d'arrêter de faire le péché, parce que ça c'est obligatoire. Ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc il ne faut pas tomber dans l'erreur de ceux qui comprennent mal ce hadith et qui pensent que l'erreur de cette personne-là, c'est d'avoir dit à celui qui fait des péchés de cesser de le faire. Non, l'erreur de celui-là, c'était d'avoir juré que Allah n'allait jamais le pardonner. Et c'était ça son erreur. Parce que tu ne peux pas faire ça. C'est seulement Allah qui décide qui va entrer au paradis, qui va entrer en enfer. Et pas que quelqu'un est vivant, il peut se repentir, il peut faire tauba, il peut devenir meilleur. Le mort, c'est fini. le mort c'est fini, il est mort dans le coffre. Non, c'est ça. Mais en ce qui concerne celui qui est vivant, c'est pas. Qu'il est en enfer. Et on peut dire en général que la personne qui est mort chrétien, qui est mort dans le coffre, elle mérite l'enfer, elle va aller en enfer. Mais pour dire, est-ce que lui va être en enfer? Moi, je sais pas. J'ai pas de doute que s'il est mort chrétien, il croyait que Jésus était Dieu ou fils de Dieu, ou en la Trinité, il est cassé. Il va aller en enfer. Non. C'est pour les associateurs, les idolâtres, les mécréants, ils sont dans l'enfer. Il n'y a pas de doute. On n'est pas non plus certain si la personne est morte, c'est-à-dire, par exemple, si tu veux construire dans les dernières années, on est au courant. Ouais, ça, peut-être aussi, c'est d'autres choses. Ouais, c'est ça. Mais on peut dire pour éviter toutes ces suppositions-là, on peut dire, s'il est mort dans le coffre, s'il est mort chrétien, il est caché. Il va en enfer. Ça, ouais. Khalid al-Fiha. Il est pour l'éternité. Il n'y a pas de. Le kafir est le mouchrik, parce que le mouchrik il est kafir. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, en termes d'histoire de ces deux amis-là, c'est-à-dire, on voit quelqu'un qui est dans l'erreur, il est jugé, c'est-à-dire, il juge, mais pas physiquement, peut-être en moi-même. Mais est-ce que ça aussi, il y a l'orgueil dans l'histoire? Ouais, il a juré que Allah n'allait pas faire le bien. Oui, je comprends. Parce que regarde l'exemple après le chef, il dit parce que le hadith wujub at-ta'addub min Allah. Et oui, après Abu Huraira, il a dit à la fin du hadith, takallama bi kalima aw baqa dunyahu akhirahu. À cause d'Abu Huraira, il a dit, le cheikh Abu Huraira, il a dit, cette personne, il a dit une parole, à cause de cette parole, il a perdu son akhira, son au-delà. Mais après, le cheikh dit, Fafi al-Hadith, wujub al-ta'addub wa Allah subhanahu, fil aqwali wa al-af'al, wa tahrim al-idlal, ala Allah. والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين وتحريم الحلف على الله إذا كان على جهة الحجر عليه أن لا يفعل الخير بعباده. الحديث نقول qu'on est obligé d'avoir une bonne manière envers Allah سبحانه وتعالى dans nos paroles et nos actions et qu'on est interdit d'être trop ébloui par nous-mêmes, sommes trop contents de nous-mêmes, au point où on méprise les autres. Et c'est interdit aussi de jurer pour Allah ou à la place d'Allah, yani de jurer pour Allah de façon à dire qu'il ne peut pas faire le bien pour ses serviteurs. Et après il dit, أَمَّا إِذَا كَانَ الْحَلْفُ عَلَى اللَّهِ عَلَى جِهَةِ حُسْنِ الظَّنِّ بِهِ سُبْحَانَهُ ورجاء الخير منه فهذا جائز كما جاء في الحديث إن من عباد الله لو أقسم على الله لا أبره يعني حديث الشيخ دي مسي لا تقصان الجوف par Allah pour une chose qui est bonne et il espère le bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là c'est permis. Et il donne l'exemple dans le hadith, il y a parmi les serviteurs qu'il y en a parmi les serviteurs d'Allah, que s'ils jurent par Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va les exaucer.